travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge. Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin 1940. Pour employer un mot, j'ose à peine le dire, mais je ne sais pas comment on le dit en français, mais le design. Hey. Enfin, ça, on peut dire la stylique. Bon, alors la stylique. Quand vous pensez qu'il y a dans la seule entreprise Sony autant de, comment dit-on, stylique men, oh non, pardon. Stylicien. De stylicien. Autant de styliciens que dans toutes les entreprises françaises réunies. Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions. Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Il court le chagrin. Le français, notre langue, est-il voué à se trouver submergé par l'anglais, à moins qu'il faille dire l'américain? Un fameux paladin d'une résistance, René Étiamble, professeur à la Sorbonne, pourfendait déjà dans les années 60 ce qu'il avait intitulé avec éclat le franglais. Il dénonçait un sabir atlantique qui abîmait le français, qui aurait envahi et perverti son génie propre. Étiamble est mort à l'orée du XXIe siècle. 60 ans après son combat, considérerait-il la bataille comme perdue? Voilà bien une question qui mérite d'être considérée à nouveau frais. On aligne sans peine, en effet, dans notre parler quotidien, une multitude de vocables et d'expressions venues tout droit d'outre-Atlantique, brutes de décoffrage et bousculant brutalement les nôtres d'une manière souvent absurde. Le monde des affaires, comme celui de la publicité, sont complaisamment en première ligne au service de cette impérieuse pénétration. Tandis qu'Internet, bien sûr, joue aussi son rôle. Quelle attitude convient-il donc d'adopter en termes civiques à la lumière de la très longue durée? L'indignation devant de lâches abandons, touchant au cœur même d'une identité, une indignation que portent si bien nos cousins du Québec, ou bien, au contraire, le rappel, résigné sinon allègre, que toutes les langues se sont toujours d'âge en âge mutuellement enrichies. Nul mieux que mon invité, Bernard Cerchiglini, linguiste hors de pair, n'était propre à accompagner une réflexion historique sur ce sujet qui est chez nous de longue main au centre de confrontations passionnées, légitimement passionnées. Il a été notamment délégué général à la langue française et aux langues de France et recteur de l'agence universitaire de la francophonie. Et puis, il est membre de l'Oulipo, un lieu essentiel de tous les bonheurs langagiers. Qu'est-ce que ça peut être, à votre avis, un show à la télévision? Ça peut se produire par un fil à la masse, un court-circuit, une ampoule qui chauffe, des résistances, tout un tas de trucs que je ne connais pas, parce qu'il y a des machines techniques là-dedans que mes qualités ne me permettent pas de... Le press-book, qu'est-ce que c'est? Pour moi, c'est un serre-livre. Et qu'est-ce qui vous fait dire ça? Parce que book, c'est livre en anglais, et press, serre-livre. Pour moi, ça veut dire ça. Le self-control, qu'est-ce que c'est? Je pense... Comme dans les lycées, mettons, ou dans les grandes surfaces, il y a des self-service. Il y a des personnes qui sont chargées de contrôler à l'intérieur si tout est en ordre, si les plateaux sont remis en place, mettons, et si tout se passe bien. Si je vous dis le bookmaker, par exemple. Ben oui, en principe, ça écœure, bien sûr. Hein. Votre réaction à vous? Mais ma réaction à moi, c'est-à-dire que j'ai pas beaucoup d'odorat, alors je sens pas tellement bien, mais évidemment, quelqu'un qui sent très bien, ça écœure. Le book. Si je vous dis le bookmaker. Pourquoi? Moi, je vois pas. Qu'est-ce que vous ne voyez pas? Pourquoi le book vous écœure? Alors, le marketing, ça serait? Et bien, d'après moi, le marketing, ce serait l'échange de marques dans d'autres puissances. Et qu'est-ce que c'est, le marque? Et le Deutsche Mark, l'argent de manque. Sponsoriser, qu'est-ce que ça signifie? Ben, on peut penser à poncer, sponser, ou alors sponge, éponge. Alors autrement dit, sponsoriser, ça voudrait dire Nettoyer. Qu'est-ce que c'est être in ou out? À août, c'est parti au mois d'août. Et puis à Inns, c'est le reste du temps. C'est ? Le reste du temps. C'est-à-dire, par exemple ? Janvier, février. Alors, rhum steak, ça serait ? Une viande faite au four avec du rhum. At home, qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Atomes, ce sont des molécules que l'on trouve dans la recherche scientifique. Il y a des atomes, on trouve des atomes dans la recherche. Enfin, c'est la recherche, ou à Orsay, ou dans les facultés, on travaille sur les atomes. C'est une histoire de recherche. Être at home, par exemple. Être atome, ça n'a aucune signification, ça. Atome. C'est un mot anglais, parce qu'on vit qu'avec des mots anglais en France. Alors, Me disiez qu'at home, ça voulait dire ? Atome ? At home ? At home. Atome, non. Ce n'est pas la bonne prononciation, sûrement. Bernard Cerchellini, bonjour. Bonjour. Je vous ai offert un micro-trottoir sur des termes anglais, un reportage de Gérard Pabiot qui avait été diffusé sur Antenne 2 le 28 avril 84. Nous entendions l'une des dames interpellées dire que de toute façon, on parlait toujours en anglais en France. C'est excessif tout de même. C'est excessif. Merci pour ce reportage. L'Oulipien que je suis est ravi. Ce sont de braves gens qui connaissent leur langue et qui, avec elle, interprètent ces mots étrangers qu'on utilise abusivement. C'est de l'étymologie populaire. Après tout, l'allemand Sauerkraut, passé par l'alsacien, a donné choucroute. Ils font de même avec le rhum steak. Et cela nous donne tout de suite un éclairage sur le filtre qu'une nation impose toujours au vocabulaire qui arrive du dehors. Oui, elle adapte. Elle adopte et elle adapte. Ce que l'on a fait avec les mots italiens, avec les mots anglais jusqu'au 19e siècle. Et puis, les mots anglais sont restés maintenant étrangers pour des raisons que nous verrons. En tous les cas, merci pour votre invitation, merci pour ce thème qui est d'actualité. Ce chagrin, on l'a depuis la Renaissance jusqu'à nos jours. La médiatrice de Radio France, Emmanuelle Davier, consacre sa dernière lettre d'information à l'abondant courrier qu'elle reçoit contre les anglicismes. Et ce n'est rien à côté des lettres et des messages qui vont arriver après notre émission. Un auditeur écrit « Entendre au réveil ce vendredi 22 janvier » que les viewers peuvent regarder les gamers en live et même en replay, waouh, en termes de timing, il est à peine 7h30 et j'ai déjà les oreilles qui saignent. On dirait de Henri Estienne. Oui, eh ben Henri Estienne, nous verrons tout à l'heure qui est ce personnage de la Renaissance qui s'indignait de l'arrivée des italianismes. Et oui, car le chagrin est constant, mais l'objet a changé. Au XVIe siècle, la langue qui était en train d'envahir et peut-être de gâter, disait-on, le français, c'était l'italien. L'italien a été le plus grand pourvoyeur de mots en français jusque dans les années 1950. Est-ce qu'on peut reculer encore davantage et se demander de quoi est fait le français en définitive? Vous qui avez prêté tant d'attention à son apparition comme langue écrite en particulier, il est de toutes les langues romanes issues du latin peut-être le langage le plus septentrional, ce qui n'est pas sans conséquence. En effet, on pourrait dire qu'il n'y a pratiquement que des mots empruntés en français. Les Gaulois, nos ancêtres, dit-on, n'ont laissé qu'une soixantaine de termes. D'ailleurs, le français, ça vient du mot franc qui provient de l'Est. On pourrait dire que le français, c'est du gallo-roman français. C'est du latin d'importation et pas le beau latin de Virgile et d'Ovide que vous avez appris, mais le latin des soldats, des commerçants, le latin parlé. Cela a donné du gallo-roman, 60 mots gaulois, tout le reste du latin, donc importation. Et puis, comme dans les bons cocktails, un bon tiers de germanisation. Le français est la langue romane, comme vous l'avez dit, la plus au nord. Elle a été profondément germanisée. Beaucoup plus qu'on l'a dit, mais comprenez, les historiens de la langue ont travaillé surtout entre 1870 et 1914. Comment reconnaître que la langue française était une langue romane germanisée? Or, elle l'est au plan de la prononciation, au plan de la morphologie, au plan du vocabulaire. D'autant plus que la langue que le germain avait à combattre, c'était un latin qui n'était pas le latin des savants ou de Cicéron, c'était un latin qui était dégradé, d'où un sujet, un verbe, un complément. Un grossum latinum qui servait à l'administration des francs, qui servait au commerce et qui est la base de la langue de Molière. Finalement, avec cela, on a écrit La recherche du temps perdu. Alors, puisque nous allons parler principalement des relations entre le français et l'anglais, peut-être faut-il dire l'anglo-saxon, mais ce serait déjà une formule un peu polémique, revenons en arrière, puisqu'il y a eu un moment que l'on se réjouit toujours d'évoquer. C'est le moment où nous avons conquis l'Angleterre. Il faut parler de Guillaume le Conquérant et aussi de Jeanne d'Arc. Bien sûr, il faut commencer par rappeler que 40% du vocabulaire de l'anglais provient du français, au moins. Clémenceau aimait dire que l'anglais, ce n'est jamais que du français mal prononcé. De 1066, bataille de Hastings, jusqu'à la début du XVe siècle, le français était la langue officielle en Angleterre. C'était donc la norme. Et ce français a donné énormément de mots à l'anglais dès le Moyen-Âge. On y soit qui mal y pense. Titre du livre d'une remarquable linguiste qui a beaucoup réfléchi à ces questions. Je parle de Henriette Walter. Notre amie Henriette Walter a écrit un très beau livre il y a une vingtaine d'années là-dessus pour rappeler combien l'anglais du Moyen-Âge, dans le commerce, dans la nourriture, dans la vie de tous les jours, est bourré de mots d'origine française. Ces mots, d'ailleurs, souvent, sont revenus. Bien sûr. La bougette, la petite bourse dans laquelle on met son argent, est passée à l'anglais et est devenue budget. Et au 19e siècle, on en a fait le budget. Beaucoup d'exemples sont de ce type. Donc, on a une influence forte du français sur l'anglais pendant des siècles qui a francisé cette langue. L'anglais est une langue composite, formée d'un peu de saxon, de beaucoup de français, de pas mal de danois. D'ailleurs, on peut prononcer en anglais des phrases entièrement occupées par des mots qui sont visiblement venus de chez nous. Je pense à l'exercice auquel s'est prêté Alain Bobert dans un livre qui est de défense passionnée du français, de quel amour blessé. Et il démontre ça de façon efficace. Mais un mot de Jeanne d'Arc, parce que on peut penser qu'il est légitime de lui en vouloir beaucoup du point de vue qui nous occupe. Supposer qu'elle soit restée à Don Rémy, qu'elle n'ait pas entendu ses voix, il se serait passé tout autre chose. Le souverain anglais aurait conquis la France et on aurait continué de parler français à la cour d'Angleterre. Et donc en Amérique et donc dans le monde. Donc, le respect que j'ai pour Jeanne d'Arc, son combat de bouter les Anglais hors de France était malheureusement au plan linguistique. Il était malheureux. On aurait probablement, du côté du Québec, un petit groupe d'anglophones essayant désespérément de conserver sa langue. Et passant une loi 101 pour sauver l'anglais. Je fais deux reproches historiques. Jeanne d'Arc, Napoléon, qui a vendu ce qu'on appelait la Louisiane à l'époque, qui était en fait une bonne moitié des États-Unis et qui a donné aux Américains l'idée d'aller vers l'Ouest. Vous passez sur Louis XV ? Je passe par amitié pour nos amis québécois, je passe sur Louis XV. Vous évoquez il y a un instant Bernard Sacchellini, vous évoquez Henri Étienne, ce grand humaniste de la Renaissance, et c'était à bon escient car il avait protesté contre l'arrivée des italianismes, à peu près comme Étienne l'a protesté contre l'arrivée des mots anglais ou yankee, comme il disait, dans les années 1960. Écoutez cet extrait d'un texte d'Henri Étienne que j'emprunte à l'émission d'Antoine Perrault qui s'appelait « Tire ta langue » sur France Culture le 9 octobre 2001. Il faudra peut-être que vous nous expliquiez le sens de ces propos après que nous les ayons entendus. Du nouveau langage français, italianisé, et autrement déguisé, principalement entre les courtisans de ce temps. De plusieurs nouveautés qui ont accompagné cette nouveauté de langage, de quelques courtisanismes modernes et de quelques singularités courtisanesques. Par Henri Estienne, 1578. Bonjour, monsieur Philozone. Je suis fort joyeux de cette rencontre, car j'avouais délibéré de vous aller prier d'un plaisir. Bonjour à votre seigneurie, monsieur Celtophile. Puisqu'elle s'allègre tant de m'avoir rencontré, je jouirai d'une allégresse réciproque de m'être imbattu en ce lieu. Mais il plaira à votre seigneurie, pilez patience, si je lui dis qu'elle a usé, en mon endroit, d'une façon de langage qui n'a point bon garbe. Et la vôtre aussi prendra patience, si je lui dis que je n'entends point son jargon quand elle me parle de bon garbe. Aimeriez-vous mieux que je vous dise bon galbe? Car le vulgaire des courtisans parle ainsi, mais vous, qui avez si longtemps demeuré à Venise, pouvez avoir souvenance du mot « garbo », voire, quand ce ne serait qu'à cause de la malvoisie qu'on appelle « garbe », ayant un goût bien différent de celle qui est douce. Vous savez aussi que ce mot « garbo » se dit de ce qui a bonne grâce. Vous avez donc voulu dire que la façon de langage dont j'avouais user en votre endroit n'a point bonne grâce ? Oui, Vraiment. Et pourquoi avez-vous ainsi italianisé votre langage, vous qui reprenez le mien ? Pour ce que maintenant l'usance des courtisans est telle, de mescoler des vocables italiens parmi les Français. Vous parliez d'un étiamble du XVIe siècle, Bernard Cerchilini, à propos d'Henri Étienne. Expliquez-vous. Oui, j'aime beaucoup Henri Étienne. D'abord, c'est une figure admirable de savant, d'imprimeur, d'éditeur. C'est quelqu'un qui invente aussi un genre littéraire, dont on a eu le dernier témoignage par la lettre de l'auditeur à la médiatrice de Radio France, un texte bourré de mots étrangers, donnant un aspect d'agression ou de ridicule ou d'odieux. De ce dialogue qu'il a écrit en 1578 entre Philozone, l'ami de l'Italie, et Celtophile, l'ami du français. Il dialogue, le celtophile ne comprend rien, comme nos braves gens sur le marché tout à l'heure, et Philozone multiplie des mots italiens, dont on peut voir que pratiquement aucun n'est resté en français, à part martel en tête. Martel en tête. Ça se dit, mais c'est martello, c'est le souci, ce n'est pas le marteau. C'est donc un italianisme. Un micro-trottoir de chacun, et dont nous aurait probablement pensé que ça venait de marteau. Exactement. Exactement, même chose. Et Henri Étienne part en guerre contre les italianismes qui envahissent la langue française. Ce qui est intéressant, c'est que ce pamphlet qu'il a écrit, il l'a écrit à la demande de Henri III. On voit avec Henri Étienne que cette question, on en reparlera, j'imagine, est directement politique. Henri III voulait soulever le joug pesant des Italiens à la cour, le joug de sa maman aussi. Et il a misé sur la langue française. On doit à Henri III la création de cette première académie, l'Académie du Palais, dont on dit qu'elle a préfiguré la française, confiée à Antoine Baïf, où est venu Étienne, pour défendre la langue. Le pamphlet d'Henri Étienne, il est directement politique, demandé par Henri III. Et d'ailleurs, il a beaucoup fâché les Genevois où habitait Étienne, car ces calvinistes n'aimaient pas tellement ce genre de blagues que faisait Henri Étienne. Je suis heureux que vous insistiez sur l'aspect politique que nous allons retrouver constamment, y compris dans les années 1960. On a une concordance des temps complète. Je vous en remercie vivement. C'est le moment où vont régner en France Catherine de Médicis et ensuite Marie de Médicis, la femme d'Henri IV, en attendant le rôle de Mazarin. Exactement. Donc, protestation, refus, notamment langagier. Langagier, c'est-à-dire qu'on veut mettre à la porte ces Italiens de la cour et on passe par le refus de la langue, des italianismes et la purification. D'où la création par Henri III d'une première académie. On voit très bien ce qui se passe dans la mesure où Étienne, nous le verrons tout à l'heure dans son pamphlet, demande la création de commissions de terminologie, on les a eues depuis, d'instances pour réguler la langue. Étienne oublie que nous avons une académie française, mais ça c'est son problème. Venons-en, si vous le voulez bien, Bernard Cerchilini, directement à la question des relations entre le français et l'anglais. Et c'est le moment de citer d'ailleurs le beau livre sur ce sujet de Jean Pruvot, qui est votre ami, je crois. Oui, la story, écrit comme une story, évidemment, de la langue française, ce que le français doit à l'anglais et vice-versa. J'aime beaucoup ce livre de Jean Pruvot. Il y a d'ailleurs du latin et vice-versa. Mais naturellement, c'est un beau mélange. Et Jean Pruvot, l'admirable historien des dictionnaires et des mots, a publié une histoire conjointe de l'anglais et du français, qu'il a appelée la story de la langue française. Matière de rappeler que story vient de estuaire. L'anglais est tissé de mots français, qu'il nous a rendu un autre exemple. De même, quand on jouait à la paume et que l'on servait à la paume, on envoyait la balle en disant à l'adversaire « tenez », que l'on prononçait « tenets ». Les Anglais ont entendu « tennis ». Ils en ont fait le « tennis » qui est revenu. Le « tennis », c'est un mot français au départ. Nous avons une sorte de, si j'ose dire, ping-pong au-dessus de la manche. Est-ce qu'il n'y a pas le rôle aussi de l'accentuation de telle ou telle voyelle qui n'est pas la même dans chacune des deux langues ? Bien sûr, vous parliez de filtre tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, un mot qui arrive est toujours filtré. Regardez la prononciation « parking »,« pressing » qui n'a aucun rapport avec l'anglais. Tous ces mots sont déjà un peu filtrés. Un peu, beaucoup, totalement. La « riding coat » est devenue la « redingote ». C'est une francisation complète. De nos jours... Ça voulait dire le manteau qu'on portait pour chevaucher. Pour chevaucher, exactement, la redingote. La question est, comment franciser ? Peut-on encore franciser ? Je le pense, la langue le fait. Et c'est ce à quoi le XVIIIe siècle a commencé de s'employer assez largement. C'est le temps d'une anglomanie. Oui, c'est-à-dire qu'au XVIe siècle, les italianismes ont été intégrés très aisément. Tout le monde ignore que la moustache, le soldat, le général, les scarpins sont des mots italiens. L'anglomanie qui s'est installée au XVIIIe siècle, pour des raisons aussi souvent politiques, pour Montesquieu, Voltaire, c'est la patrie du parlementarisme, du libéralisme. Et on va d'ailleurs habiter Montesquieu, Voltaire, plusieurs années en Angleterre, ce qui est une façon d'affirmer sa liberté par rapport au pouvoir absolu. Exactement, et on en envoie des lettres anglaises. Et donc, on se met à adopter des mots anglais, mais commence en même temps une sorte de snobisme qui fait qu'on multiplie les mots anglais et qu'on a tendance à parfois à les garder tels quels. Donc on voit au XVIIIe siècle déjà un processus d'assimilation et un processus de xénisme. On le voit par l'Académie française. Comment réagit-elle ? Alors, plutôt bien, c'est-à-dire qu'elle attend. Et puis, dans les éditions, à commencer par la troisième de 1740, elle fait rentrer quelques mots anglais. En 1798, dans la cinquième édition, après la Révolution, elle fait entrer le mot « club ». Voilà, un mot anglais qui est arrivé pendant la Révolution, un petit peu avant. Et elle dit « c'est un mot emprunté aux Anglais ». Il est utile parce qu'il désigne des assemblées qui se réunissent pour traiter de questions politiques et générales. C'est-à-dire qu'on a avec « club » l'exemple même de l'enrichissement. C'est le golf aussi qui emploie l'expression « aussi club ». Alors comment ça s'explique ? Ils ont deux sens distincts. Et le golf, Maurice Druon me faisait remarquer, lui-même faisait remarquer que jouer au golf sans utiliser de mots anglais, c'est un peu ridicule. Et pourtant, c'était une sorte de parangon de la défense outragée de la langue française. Néanmoins, il y a donc, et tous les linguistes le disent, des emprunts de nécessité, des emprunts qui viennent enrichir la langue. L'italien, l'arabe, l'anglais ont enrichi la langue française. C'est un emprunt de nécessité. Tout le vocabulaire politique de la Révolution, club, parlement, la motion, l'opposition, vient de l'anglais. Alors ça, c'est Voltaire et Montesquieu et Diderot qui a appris l'anglais, lui, dans un dictionnaire latin-anglais. C'est pour traduire. L'admiration des philosophes pour le système parlementaire et du coup l'arrivée des mots qui eux-mêmes venaient du latin. Bien sûr. L'édition de 1798 du dictionnaire de l'Académie française montre le renouvellement profond du vocabulaire politique grâce à l'anglais. C'est un enrichissement. Mais qui vient parfois du français, par exemple, ou du latin. Verdict, c'est vere, dictum, ce qui est juste. Sélection, majorité, session officielle, législature, convention, pétition et amendement, tous ces mots viennent du latin, sont passés en français, en anglais, sont revenus. Il y a un grand commerce des langues, et en particulier au-dessus de la Manche. C'est sain, c'est naturel, dès lors que les langues s'enrichissent. Et dès lors qu'elles filtrent et qu'elles adaptent. Qu'elles filtrent, qu'elles adaptent, ce qu'elles ont toujours fait. Aller-retour, on peut en trouver beaucoup d'autres. Et vous notez quelque part que l'évolution tient au fait que la consonne S prononcée en français est assez proche du S castillan à l'époque, comme dans cache, et par conséquent que le mot mousseron devient mushroom, ou que le mot pousser devient push, le mot finish devient finish, le mot périsse devient périche. Nourrice devient nourriche. D'autres exemples d'aller-retour abondent. Les phonétiques s'accrochent. Voilà. D'autant plus que l'anglais avait gardé des sons de l'ancien français. Vous savez, l'anglais, c'est un réfrigérateur. Il garde des sons de l'ancien français. Par exemple, le S. Le S devant consonne qui est tombé. Estienne a donné Étienne, bien sûr. Forest a donné forêt. D'où d'ailleurs l'apparition souvent de votre accent circonflexe que, je le dis en passant, Bernard Cerchilini, vous aimez tellement, puisque vous l'avez appelé l'accent du souvenir, en disant qu'il était à la fois injustifié et légitime. En effet, et l'anglais est un bon exemple de ce qu'était le français d'avant l'accent circonflexe. On dit en anglais forest. On entend un S qu'on n'a plus entendu en français, il est tombé, allongeant le E. Il fallait créer un signe pour cela. Et on a inventé, les réformateurs ont inventé le circonflexe. Les puristes étaient tout à fait contre. Mais ça, c'est une autre histoire. Les allers-retours sont presque innombrables. Le mot interview, évidemment, vient de entrevue. Le mot pédigree vient du français pied de grue. C'est une allusion à la disposition des arbres généalogiques et en forme d'empreinte de pattes d'oiseau. Oui, c'est le côté bifide des arbres géologiques, comme un oiseau. Tout ça est amusant et montre comment les langues s'enrichissent. C'est très différent de ce que j'appelle les anglicismes de choix. Il y a un beau mot français, on décide d'utiliser un mot anglais, par snobisme, par élitisme ou autre. Eh bien, c'est ce dont rend compte une chanson que je vais vous faire entendre, Bernard Cerchiglini, qui est un fruit du dernier confinement, après des clusters, enfin, nous y reviendrons. C'est une chanson du groupe Les Goguettes, « Drop-moi un mail ASAP, as soon as possible ». As soon as possible. Oui, sur la musique de la complainte du progrès de Boris Vian. Écoutez cette chanson toute récente. France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Autrefois en entreprise, on parlait français. Directeur, agent de maîtrise, on se comprenait. Aujourd'hui c'est du win-win, neuf langues. On jargonne, on baragouine, pour mieux se faire entendre. Ah, Berthier. Oui. Viens présenter notre nouveau projet. C'est un process 100% e-business à partir de segments qui ne sont pas confusants. D'accord. Du e-learning issu d'un brainstorming qu'un débriefing a rendu opérant. On benchmarkait le marché de la chaussette pour savoir du nylon le taux de pénétration. S'il y a un gap, tu me drop un mail à zap, il me faut ton feedback pour focuser l'impact. Autrefois il arrivait que l'on déconnecte. Ah bon ? On osait en fin de journée se reposer l'intellect. Sans deck ? Mais depuis qu'on télétravaille pour stopper les clusters, on conf que l'on zoom, on sky à n'importe quelle heure. Ah, Boudier ! Monsieur le directeur ? T'as le week-end entier pour nous drafter ta presse. Easy, c'est un B2B, boosté en B2C, où chaque follower devient un team leader. Du greenwashing pour un meilleur branding, mais dans un flux up-down. Qu'est-ce que je viens de dire, Simone ? Ah, ce que c'est chouette, cet esprit corporate. C'est hashtag happiness, partout dans l'open space. Mais Boudier, faut que tu te manies, c'est bientôt la deadline. Forward le reporting, en deux ou trois wording. À nos bons actionnaires, à chaque intérimaire, et même au N-2, au back-office, au copil, au codir, au comex et au DAF, puis à l'ensemble du staff. Ok, next step. Yes. Faut qu'on switch nos targets. Indeed. Demain, je book un kick-off. Of course. Pour upgrader le network. Let's go. En cas de banqueroute, y aura des burn-out. Car on licenciera, comme toutes les autres fois. PDV, PSE ou RCC au choix. Bon, bref, on vous virera. C'est plus du charabia. C'est plus du charabia, Bernard Cerchiglini. Je vous voyais joyeux en écoutant cette chanson. Ah, c'est admirable. Admirable. Henri Estienne aurait été ravi. Ce qu'il a inventé donne cette chanson magnifique. La chanson a eu beaucoup de succès. Ça ne m'étonne pas. Elle est bien faite. Et puis, elle est drôle. Elle accumule des anglicismes inutiles. Pendant le lockdown, c'est ça qu'il faudrait dire? Eh bien, justement, un anglicisme nous agresse. Il est stupide, il est odieux. Mais on ne note pas un succès. Pendant le confinement, et nous y sommes en ce moment, malheureusement, la langue italienne, une des plus belles langues du monde, dit lockdown. Et nous, confinement. Et confinement. Nous sommes allés chercher confinement à la sécurité nucléaire. Nous l'avons fait rentrer dans la langue médicale pour protéger une population d'une épidémie. Et ce confinement, on a fait confiner, déconfinement, déconfiner. Nous sommes en ce moment en post-confinement, mais en pré-redéconfinement. Toute une famille lexicale. Que fait-on avec lockdown ? Rien. Et d'ailleurs, on n'a pas tronqué le mot comme maître de conf. On n'a pas tronqué le mot confinement. Vous avez fait un livre parmi votre magnifique bibliographie, Bernard Cerchiglini, sur les mots tronqués. Soit en apocope, soit en aphérèse. C'est-à-dire, comme on sait, comme tout le monde sait, en aphérèse, quand c'est coupé au début, comme bus, ou à apocope, lorsque c'est coupé ensuite. C'est-à-dire, par exemple... Le prof. Ou auto. L'auto, le prof. Auto, etc. L'éducnat. Ou Sarko. Sarko, ou Serki. Et oui, dans ces livres, je prédisais une troncation générale de la langue française. Et bien, confinement, nous ne l'avons pas tronqué. Et puis, il s'est passé une chose, sur laquelle d'ailleurs je prépare un livre en ce moment, qui est que la langue de la pandémie ne tronque pas. Alors que confiture et conférence ont donné conf, personne n'a jamais dit le conf pour le confinement, le déconf, ainsi de suite. Explication, nous avons là une prise en main civique, collective de la langue. La troncation, c'est toujours lié à des segmentations sociales, le petit groupe, qui utilise des termes qu'il est seul à connaître. Mais la langue générale, qui résiste à la pandémie, elle est complète, elle est souveraine. Peut-être est-ce le lieu d'ailleurs d'évoquer un certain nombre de succès langagiers, lorsque nous avons réussi, parfois inspirés par le Québec, on y reviendra, mais on a réussi à trouver des mots français pour remplacer des mots anglais. Je me rappelle qu'au temps des Tiam, dans les années 60, on employait l'expression « engineering » et tout le monde considérait que c'était impossible de le changer. C'est devenu « ingénierie », très bien, et après tout « logiciel ». Et s'est installé aussi. Le logiciel a été inventé par M. Philippe Renard pour la commission de terminologie. Et ça a marché ? Mais ça a marché très bien, très très bien. Il a pensé que l'anglais opposait le dur et le mou. Hardware, software. Nous qui sommes cartésiens, nous opposions le matériel et la logique. Logiciel. Tout le monde pense que c'est un terme normal de la langue naturelle. Il a été créé toute pièce. L'ordinateur aussi, après, au lieu de computer, qu'on nous avait annoncé de voir computer triompher. C'est une belle histoire, l'ordinateur. Dîner en ville, le patron d'IBM France, qui est un français polytechnicien, a en face de lui un professeur de la Sorbonne, un latiniste spécialiste de Virgile. Alors, ils échangent leur métier et l'homme de la IBM lui dit « Ah, je suis content de parler comme professeur de la Sorbonne parce que je vends des machines qui calculent, qui s'appellent computer, mais je pense que les Français ne vont pas accepter cela. » Perret lui dit « Mais que font vos machines ?» Jacques Perret, professeur de latin. Voilà, Jacques Perret, « Que font vos machines ?» Il lui explique et Perret lui dit « Je vais réfléchir un peu. » Et 8 jours après, il lui envoie une lettre que nous avons gardée à l'entête de la Sorbonne. Et Jacques Perret lui dit « Écoutez, j'ai regardé un peu, un philosophe français du XVIIe siècle, Malebranche, dit que Dieu est le grand ordinateur, il met de l'ordre dans les choses. Or vos machines, dit la lettre, calculent, mais aussi elles classent, elles mettent de l'ordre. Essayez ordinateur, cela va peut-être marcher. » Alors je me suis résigné à parler de podcast ici, parce que les Québécois nous ont proposé balado-diffusion, c'est un peu lourd, je regrette que Perret soit mort. Moi aussi, balado-diffusion est trop lourd. Il faut des mots brefs, rapides, qui prennent. Courriel, inventé par les Québécois, est merveilleux. Courriel et email, c'est aussi long, il n'y a pas de paresse à appeler. Aucune. Et d'ailleurs, l'Office de langue française a inventé le pourriel. Le courriel pourru pour le spam. En fait, j'aimerais qu'on impose aussi pour l'adresse électronique le mot Adèle. C'est pas un hommage naturellement à nos merveilleux chemins de la philosophie, mais Adèle, ce serait très bien pour adresse électronique. Adèle est merveilleux. On lui envoyez-moi votre mail, email, envoyez-moi votre Adèle. Oui, et puis plutôt que dropper un mail, naturellement, tout cela est ridicule. Mais il importe, et merci de me permettre de le faire, de rappeler les succès, car les succès passent inaperçus. Le plus grand cimetière en France. C'est le cimetière où reposent les anglicismes morts dans l'obscurité. Par exemple le software qui a disparu, le fashionable qu'utilisaient beaucoup Balzac et Stendhal, la surprise party. Vous allez encore en surprise party? Vous avez arrêté le footing aussi, j'imagine. Au profit du jogging. Qui est en train de disparaître. Et puis vous ne prenez pas un drink dans un snack bar. Or, drink, snack bar, ce sont des mots que dénonce Etiamble. Ils ont été remplacés. Dans les années 60. Dans les 60. C'est-à-dire qu'il y a un travail de la langue elle-même, mais aussi des commissions de terminologie françaises, québécoises, belges, qui ont gagné. On a beaucoup francisé, mais personne ne s'en aperçoit, car le mot français est transparent, il est ton sur ton, on ne le reconnaît pas. La rançon de succès des terminologues, c'est l'indifférence du public. Tant pis. Oui, mais vous le rappelez utilement. En particulier, vous avez fait un très beau livre sur le français des francophones non français. Et c'est une des sources possibles de ce renouvellement d'une langue enracinée dans sa réalité et dans sa longue durée. Il faut faire flèche de tout bois. Comment ça se dit en anglais? Flash de tout bois. Vous savez, dans le dernier roman, malheureusement le dernier roman de John le Carré, An Agent Running in the Field, j'ai noté 12 expressions françaises citées par un personnage ou par le narrateur. Pour la bonne bouche, mes chers collègues. Il y a aussi un snobisme anglais à citer du français. Tout ça est un mélange tout à fait normal. Et un rendez-vous. Un rendez-vous, naturellement. Une affaire aussi. Tous ces mots-là sont dans le dernier roman de John le Carré. Restons tout de même un peu dans ce 19e siècle qui a tellement compté pour l'arrivée des mots anglais, les mots américains en Europe, à cause de la révolution industrielle, à cause du chemin de fer, à cause des mines, à cause du moteur explosion et à cause de l'arrivée aussi du sport anglais. On a là des exemples d'anglicisme qui enrichissent la langue. Une technique est créée. Des objets, des idées, des pratiques viennent avec leurs mots. Tout le vocabulaire des chemins de fer, arrivé en France à partir de 1830, vient de l'anglais. Alors, parfois du français, comme on l'a vu tout à l'heure, la tonnelle française a donné l'anglais tunnel, qui est revenu. On a hésité, on ne savait pas comment nommer ces passages sous les montagnes. Les compagnies à l'époque ont essayé souterrain. On essayait galerie et puis finalement, on a pris le mot anglais que l'on prononce tunnel et qui est devenu un mot français comme le wagon, le tender, le rail, ainsi de suite. Chemin de fer, néanmoins, s'est imposé. Chemin de fer, s'est imposé. Vous voyez, et c'est intéressant. Hein, et ensuite, le moteur à explosion a apporté son vocabulaire. Et puis, tout le sport, qui est un mot français au départ, c'est le des-sport, c'est-à-dire le fait de s'amuser. Tout le sport est venu avec rugby, football, surtout le sport hippique, jockey, steeplechase, ainsi de suite. Et là, il n'y a pas eu de francisation parce que c'est aussi un aspect de loisir, un aspect d'intérêt pour ce qui est un peu british. Il y a l'exemple frappant de Marcel Proust, non ? Bien sûr, ce sont des mots de mode. Et comme disait Cocteau, le propre de la mode, c'est qu'elle se démode. J'ai eu l'occasion de faire soutenir une jolie thèse sur les anglicismes chez Marcel Proust. Pas un n'est aujourd'hui en usage chez les snobs, bien sûr. Proust, c'est « Swann était très smart ce soir-là, dans sa dinner jacket ». Il y a forcément toujours un snobisme. Ce snobisme, il était italien dans les années 1500 et quelques. Dénoncé par Étienne. Dénoncé par Étienne, il est anglais. Maintenant, il est californien. Peut-être que ceux qui parlent américain aujourd'hui, les mêmes parleront chinois dans 20 ans. Il y a toujours eu quand même un effort pour traduire, qui marchait ou qui ne marchait pas. Le pipeline, l'oléoduc a assez bien remplacé. Oléoduc a très bien pris. On ne l'aurait pas parié. Bien sûr. Il y a d'autres mots qui sont vraiment enracinés, incontestablement. Par exemple, le Derrick, j'observe à vous lire que le Derrick avait fait son entrée en France en 1861. C'était un mot alors absolument anglais, puisqu'il était issu du nom d'un célèbre bourreau anglais qui avait d'abord donné son nom au gibet anglais, qui était repris ensuite parce que pour dénommer cette sorte de charpente érigée pour le forage des puits de pétrole. On connaît l'inspecteur Derrick, mais on ne connaît pas le bourreau Derrick, en effet. Ça, c'est l'autre côté du Rhin. Le côté du Rhin, voilà. Et le mot Derrick est devenu un mot français. On ne peut pas tout franciser, d'autant plus qu'il y a une technique derrière. Mais on peut le faire le plus possible, et j'insiste sur les succès qui passent inaperçus. Il y a eu toujours des mots venus de l'Allemagne, et notamment dans le domaine guerrier. L'arquebuse, la hallebarde, l'épieu, le haume, le haubert, la cotte de maille, le baudrier qui soutient l'épée, la hache, le fourreau, tout ça, ce sont des mots allemands. Du haubert médiéval au blockhaus sur l'Atlantique, l'allemand a donné des mots au français. En c'est passant là aussi, par Blitzkrieg. Par Blitzkrieg, c'est un enrichissement. Si on peut dire. En linguistique. Il n'y a pas de ligne Maginot linguistique. Voilà. Ou en tout cas, elle est tournée. Elle est tournée, comme toutes les lignes Maginot. Alors nous parlions de l'arrivée des mots britanniques. Le XXe siècle, c'est celui de l'arrivée de l'hégémonie de l'anglo-américain, avec d'ailleurs celle des résistances, sur lesquelles il faut maintenant que nous attardions. Bernard Cerchiglini, la guerre de 14-18, c'est celle dans le monde du langage, de l'entrée dans la mondialisation. À cet égard, le traité de Versailles est intéressant. Alors que le traité de Vienne avait été entièrement discuté en français, le traité de Versailles, il y a Lloyd George et Wilson, Lloyd George le gallois britannique, il y a Wilson l'américain, et même le ministre des Affaires étrangères italien Sonnino est fils d'une Galloise. Et puis, Clémenceau. Parle anglais. Notre cher Clémenceau, je dis note parce que vous siégez au conseil d'administration du musée Clémenceau, qui s'en félicite. Clémenceau est absolument anglophone pour avoir passé des années de jeunesse aux États-Unis d'Amérique. Donc, une grande partie des débats se font en anglais. Et le traité est bilingue. Certains le regrettent. On ne peut pas critiquer notre maître Clémenceau. Mais il est évident que, avec la guerre de 14 et le traité de Versailles, commence l'aspect international, non plus de l'anglais, mais de l'anglo-américain. Au XXe siècle, ce sont des américanismes qui arrivent. Et même Michel Serres parlait justement de californisme. Parce que sont arrivés des américanismes avec le cinéma, avec la musique, ainsi de suite. Mais maintenant, ce qui arrive, ce sont des termes liés à l'informatique, au numérique. Tout ça est inventé en Californie. Ce qui confirme qu'il y a toujours un double mouvement politique et économique, sociologique et économique et commercial. C'est évident. C'est-à-dire, quand une technique domine, elle envoie son vocabulaire à nous de l'accepter, de l'adopter, de le filtrer, comme vous disiez. Et puis, il y a l'entre-deux-guerres, avec l'arrivée de la musique américaine, qui est très importante. Et puis, la Seconde Guerre mondiale. On ne sait pas toujours que la Jeep, ça vient de GP en anglais, qui veut dire « General Purpose ». Utilisation. C'est la voiture à toute main, general purpose. Mais elle s'appelle la Jeep et pas la voiture à toute main. Le jazz, c'est très, enfin l'arrivée du swing, du jazz, en attendant le rock and roll après la guerre, le blues aussi, tout ça recouvre la Deuxième Guerre mondiale, mais de grande importance du point de vue qui nous occupe aujourd'hui, c'est-à-dire la relation entre principalement les langues étrangères, notamment l'anglais et le français. Toute la musique moderne est venue d'outre-Atlantique. Le bebop, le swing, etc., tout le vocabulaire est venu. Et on les a adoptés d'autant plus qu'on avait plaisir à entendre cette musique, à entendre sa spécificité et puis son côté américain. L'Amérique est à la mode depuis maintenant plus d'un siècle. Toujours le snobisme dont parlait Étienne à propos de l'Italie. C'est la même chose. C'est la même chose, c'est-à-dire ce que j'appelle des emprunts de choix. Dommage dissident. On va rendre hommage à une autre culture qu'on trouve plus intéressante ou supérieure ou techniquement préférable en quittant la langue française pour y introduire des mots qu'on est seul à connaître, qu'on est seul à maîtriser. Il y a un mélange de snobisme et d'élitisme. C'est un hommage dissident. C'est en quoi ce type d'emprunt relève moins d'une analyse linguistique que d'une critique politique. Et c'est là qu'on retrouve Étienne. Il est temps d'entendre sa voix. Nous l'avons beaucoup évoqué au fil de notre conversation. Cet entretien est extrait de la tribune des critiques radiophoniques sur France Culture le 29 février 1964. Il parle de son livre « Parlez-vous franglais ». Vous avez parlé d'abord de paresse et le mot s'impose en effet puisque un journaliste les plus coupables, d'ailleurs il en a conscience et me l'a dit, de ce sabirisme, me disait un jour, que voulez-vous, c'est un peu la paresse qui nous fait parler anglais, c'est plus facile de parler anglais que de parler français. Cela dit, ce journaliste ne serait pas tombé dans ce défaut contemporain s'il ne s'agissait en effet d'une maladie universelle du langage. Pour la première fois, la planète et ce monde fini dont parlait Valérie, pour la première fois, presque tous les pays, en dépit des oppositions politiques, ont des relations abondantes. Et pour la première fois, en effet, nous disposons de ces grands moyens d'information que sont non seulement la presse, mais la radio, la télévision. Ce qui fait que, en effet, il y a un méli-mélo et un mélange des langues. Il suffit d'être un écouteur professionnel de radio pour avoir le tournis mental en faisant vibrer légèrement le bouton de son poste de réception. On entend successivement 43 ou 225 langues. Je crois donc là qu'il y a un phénomène tout à fait neuf, et c'est pourquoi, en grande partie, j'ai écrit ce livre. Je pense qu'il faut vivre avec son temps, que le sage vit avec son temps, et qu'à phénomène nouveau, il faut diagnostic nouveau et remède nouveau. J'ai sous les yeux le volume bleu-vert d'Étienne, paru en 1964, dans la collection Idées chez NRF. Il est tout jauni, mais il avait eu grand succès. Il a eu beaucoup de succès, c'est un livre important. Étienne, ce n'est pas rien. Normalien, agrégé de grammaire, spécialiste de la Chine. Spécialiste de la Chine. Un homme cultivé, ouvert, tolérant, et qui soudain prend une colère. Car il a compris que cette mondialisation dont il vient de parler, sans utiliser le terme qui n'existait pas à l'époque, cette mondialisation d'échange naturel, elle est pervertie par la mainmise d'une langue, d'une culture, d'une civilisation. Et donc, il publie un livre de défense de la langue française, il invente le mot franglais, mais dont la signification est directement politique. De même que Estienne écrit au profit de Henri III contre les Italiens de la cour, Étiemble prend un fait et cause pour la diversité culturelle, on ne disait pas ça encore, mais c'est ce qui est là-dedans, et contre la mainmise d'une civilisation américaine qu'il réprouve. Et on a un texte d'une violence terrible. Il dit pas américain, il dit Yankee, qu'il écrit d'ailleurs Y-A-N-Q-U-I. Et Yankee, c'est un terme du Sud pour désigner les Américains du Nord, mais que toute l'extrême-gauche de l'époque, nous sommes en 64, époque gaulliste, époque où le Parti communiste est très fort, utilise. Yankee, c'est un terme d'extrême-gauche. Et Étiemble, si vous permettez, écrit en défense de la langue française, « Pour peu que nous persévérions à sabirer Atlantique, l'antisémitisme larvé, le racisme virulent, la tartufferie sexuelle, la dévotion au dollar, les superstitions scientistes et chrétiennes scientistes seront notre pain quotidien. » Toute politique alors nous conviendra, qui convient à la dynastie Rockefeller, à la United Fruit, au réarmement moral, à la John Birch Society. Tout est et dit. Il conclut tout en italique, c'est une citation que je n'ai malheureusement pas retrouvée, et bien, merde à tous ces chiens-là. Je ne sais pas d'où vient la phrase, on dirait de l'Aragon surréaliste. Voilà un professeur de la Sorbonne qui part en guerre contre la John Birch Society. J'ai la mémoire d'ailleurs de ses cours à Radio Sorbonne, qui avait beaucoup de succès, qui était diffusé donc en direct. C'était bien avant l'Internet. C'était l'époque où nous avions comme formule « Heureux les fleuves qui suivent leur cours dans leur lit ». Excellent. En tout cas, grand succès, et en particulier parce qu'il met aussi de l'humour, il n'y a pas que de la passion. Il donne un certain nombre de textes imaginaires qui sont truffés de mots importés. Il reprend ce que j'appelle le genre littéraire d'Henri Estienne. Il commence son livre par une nouvelle bourrée de mots de franglais. Un sur deux a disparu depuis, naturellement. Mais ce qu'il a bien compris, Étiemble, c'est que ce phénomène est directement politique. C'est là qu'il faut porter la critique. Et il appelle dans son livre à la création de commissions qui vont créer du vocabulaire. 64, Étiemble. 72, le décret que signe Chaban-Delmas de création des commissions de terminologie. Et la production officielle terminologique du gaulliste, elle est suscitée par quelqu'un qui se situe à l'extrême-gauche de l'époque. On a là une sorte d'union nationale pour défendre la souveraineté lexicale de la France. Il est intéressant, puisque nous parlons politique à travers le langage, de voir les moments où la résistance a été de gauche et d'autres de droite. Tour à tour, on a une résistance souverainiste, progressiste, car il faut que le français soit transparent, soit populaire, etc. Et puis une résistance plutôt de droite, patrimoniale, puriste, le français est gâté par les mots étrangers. Mais au total, dans les faits, tous montrent à l'assaut pour franciser la langue française. Claude Agège, professeur au Collège de France, 30 ans plus tard ou 40 ans plus tard, a repris le même flambeau. Exactement. On pourrait dire Henri Étienne, René Étiemble, Claude Agège. Beau trio. Beau trio. Or, que fait Claude Agège dans son livre de 2012 contre la pensée unique? Agège prend grand soin de dire « Je n'attaque pas la nation américaine ». On n'est plus en 64, dans l'anti-américanisme d'extrême-gauche. La nation américaine est porteuse de valeurs, etc., ainsi de suite, ainsi de suite. C'était avant Trump, mais avant Biden aussi. Et Agège dit « Mais ce que je réprouve, c'est qu'une langue domine le marché des langues. Et dominant ce marché, elle impose ses concepts et ses idées. Langue unique, dit Claude Agège, langue inique, ce qui est un joli jeu de mots. Et Agège défend la diversité culturelle. On est en 2012, plus en 64. En 64, c'est camp contre camp. Le camp progressiste contre les Américains impérialistes. En 2012, on défend la diversité, le dialogue des langues, l'échange de concepts, d'idées et de cultures. C'est la version actuelle de notre refus des anglicismes, au profit de la diversité des langues et des cultures. On voit qu'il y a deux thèmes qui se rejoignent sans être exactement les mêmes. D'un côté, la protection contre l'invasion de mots étrangers, et d'autre part, un effort pour assurer la diversité des langues. Par exemple, en Europe, puisque maintenant que le Royaume-Uni est parti, il n'y a plus que l'Irlande et peut-être Malte qui parlent anglais au quotidien. Et pourtant, l'anglais risque, si on ne résiste pas, de continuer de s'affirmer comme une sorte de langue unique, alors que la diversité des langues en Europe est une richesse qui est une richesse héritée fondamentale. Alberto Moravia disait La merveille de l'Europe, ce sont les langues. Nous avons bâti une Europe plurilingue, qui respecte ce plurilinguisme. Profitons du Brexit, du fait que l'anglais n'est plus une des langues officielles de l'Europe, pour refonder ce plurilinguisme. On pourrait dire d'ailleurs qu'on peut chercher ailleurs, du côté par exemple de la civilisation arabe, qui nous a donné beaucoup de mots, notamment à l'époque de la conquête de l'Espagne en arabe. Mais pour finir cette conversation, je voudrais qu'on évoque la richesse que l'on peut, d'un point de vue langagier, aller quérir dans d'autres continents, et en particulier, il faut dire un mot du Québec. Nous l'évoquions tout à l'heure, qui a été pour nous l'occasion d'un florilège, je dirais pas d'un best-of, d'un florilège d'expressions magnifiques. Écoutez cette interview de Christian Rioux, qui est le correspondant à Paris, il est toujours, du quotidien québécois Le Devoir, dans tout un monde, de Marie-Hélène Fraissé, sur France Culture, le 24 octobre 2010. Nous sommes une goutte d'eau, nous, dans l'océan, et ce continent, ce n'est pas n'importe quel continent, c'est celui qui rythme aujourd'hui la vie du monde et la vie culturelle du monde. C'est le pays d'Hollywood, c'est le pays de la grande culture, comme de la petite culture anglo-américaine. Donc, nous sommes, on pourrait dire, au cœur de la bête, là, au cœur de l'ennemi d'une certaine façon. Donc, c'est vrai que quand les Québécois débarquent à Paris, ils sont tout de suite choqués de voir tous les mots anglais que les Français aiment utiliser, souvent par un certain snobisme. Hein. Moi, avec le temps, j'ai fini par m'apercevoir que l'anglais, c'était très snob en France. Par exemple, depuis un certain temps, sur les marchés, on vend ce que vous appelez, vous, des cranberries. Hein, des cranberries. Mais il y a aussi deux mots québécois absolument magnifiques pour dire ça. Il y a un mot français québécois qui s'appelle les canneberges, qui est un mot de toute beauté. Et il y a un mot indien, pour le dire, il y a un mot indien, c'est des atokas. Il y en a plein des mots comme ça, d'une certaine façon, qui sont courants dans le vocabulaire des Français et qui nous choquent, nous, un peu. Pourquoi prendre cranberries? Il n'y a pas de raison. Il y a au Québec la double attitude que nous avons rencontrée au cours de notre conversation, Bernard Cerchiglini, c'est-à-dire à la fois le côté défensif contre l'arrivée inutile de vocables qui remplacent d'excellents vocables qui sont nôtres, et puis le côté offensif, je dirais, jouer de la diffusion des langues, et de notre langue en particulier. Le défensif au Québec, ça a été la fameuse loi 101. Qui a sauvé le français, rendant hommage aux Québécois. Défensif, donc. Défensif. La loi 101, qui est devenue une charte de la langue française, qui rappelle que le Québec a pour langue officielle le français, que tout se fait en français, y compris la scolarisation. Ils ont sauvé leur langue. Mais aussi, ils l'ont développé, ils lui ont rendu hommage. Car franciser, cela veut dire créer des mots, inventer. Et le français au Québec est très inventif. Il est vivant. Et franciser, c'est aussi un travail sur la langue. Je prends un exemple. Je suis très agacé en ce moment par la cancel culture. Vous n'êtes pas le seul. Je crois. Mais cancel culture, on ne comprend pas ce que c'est. Si on veut traduire, et il faut traduire cancel culture, que va-t-on dire? On va dire culture de l'annulation, culture de la dénonciation, culture du bannissement, culture de la censure. Nous allons travailler sur la langue et aussi sur l'idée qu'il y a derrière. Utiliser cancel culture, c'est à la fois un snobisme, c'est une obscurité, c'est un hommage à l'anglais, c'est un enfumage, car on ne sait pas ce qu'on dit. Mais si on utilise un mot français, il faudra choisir. Et si nous disons culture de la censure, nous serons farouchement contre, et pour des raisons démocratiques. Et cela, ce travail sur la langue, les Québécois le font tous les jours. Traduire, c'est préciser, clarifier, compléter sa langue, l'enrichir, et enrichir ses idées aussi. Rendre hommage aux Québécois pour ce travail. Il faut observer que cette défense n'est pas seulement une défense contre les mots étrangers, c'est peut-être aussi une défense contre l'introduction de manières de penser grammaticales. L'exemple d'opportunité. Opportunité, ça veut dire en français que une situation est opportune, c'est-à-dire adaptée à un désir, à un moment. Et opportunité, ça ne veut pas dire occasion, glissement, ou l'introduction du mot juste dans toutes les phrases, même chose. On a affaibli la langue. Il faut garder des précisions qu'un anglicisme rend parfois opaque ou neutralise. En quelque sorte, je plaide pour la souveraineté de la langue. C'est même parfois aussi important, cette déformation d'une architecture intrinsèque à notre culture, au moins autant que l'arrivée de mots que nous pouvons filtrer et finalement adapter. C'est plus grave que des mots isolée que l'on va filtrer. En fait, l'anglicisme, c'est moins un phénomène d'énoncé, de petits mots qui viennent, font trois tours et puis s'en vont, que d'énonciation, c'est-à-dire que de la position que nous avons par rapport à la langue. Le génie de la langue qui pourrait être perverti par ces invasions. C'est une question de génie de la langue. C'est un terme ancien qui est beau, qui a un sens qui veut dire la nature de la langue, la façon dont elle progresse. Je l'ai employé à dessein. Vous avez tout à fait raison, c'est un mot important auquel nous devons adhérer. Il me plaît assez que nous terminions sur ce vocable, Bernard Cerchiglini. Merci d'avoir été là ce matin. Nous inscrirons sur notre site tous vos livres, une grande profusion si précieuse. Bernard Cerchiglini, je citerai seulement ici à l'antenne, entre autres, le livre qui nous avait déjà réunis, qui s'appelait « Le ministre est enceinte » sur la féminisation des mots. On retrouvera cette émission naturellement en podcast. J'ai cité aussi le livre sur la francophonie « Enrichissez-vous, parlez francophone, trésor des expressions et mots savoureux de la francophonie 2016 ». Vous avez également mis l'accent sur un personnage qui a trouvé grâce à vous un lustre posthume majeur, c'est Nittard, celui qui a écrit en français. Les serments de Strasbourg. Il a inventé la langue française, en quelque sorte. Et puis, de même que vous avez travaillé sur l'accent circonflexe, vous nous annoncez un livre inédit, très prochain, dans la collection Point au Seuil, un participe qui ne passe pas. Vous allez défendre le participe passé d'avance, je vous en sais gré. C'est une histoire apologétique de l'accord du participe passé du latin à nos jours. L'apologétique est important. Nous avons cité les œuvres de Jean Pruvot, notamment la story de la langue française, ce que le français doit à l'anglais et vice-versa, chez Talendier 2020. Et les deux ouvrages majeurs d'Henriette Walter, que vous appréciez aussi beaucoup. Beaucoup. Une nonagénaire très active. L'aventure des mots français venus d'ailleurs, Robert Laffont 1997, et puis au centre de notre problématique d'aujourd'hui, Onissois qui mal y pense, l'incroyable histoire d'amour entre le français et l'anglais, chez Robert Laffont en 2001. Vous pourrez naturellement écouter, réécouter cette émission et la podcaster. Vous acceptez ce mot podcaster ? Pas trop. Mais la balado diffusée, c'est pas fameux non plus. Si vous inventiez en direct quelque chose. Eh bien, demandons à nos auditeurs d'inventer un mot. Très bien, entendu, c'est un contrat. Samedi prochain, nous parlerons de Tianjin 1900. C'était une sorte de lieu focal de la tension mondiale, déjà au tournant du 19e et du 20e siècle. Tianjin 1900, la Chine et déjà le monde. J'inviterai pour en parler Pierre Saint-Garavelou. Lundi prochain, vous retrouverez à 9h le cours de l'histoire de Xavier Mauduit, qui consacrera sa semaine à la question des riches et des pauvres, une histoire des inégalités. Et maintenant, sur le fond de la chanson fameuse de Léo Ferré, 1962, à peu près le moment des Tiambles, la langue française, je vous rappelle que vous venez d'entendre Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparé par Jeanne Guérou, réalisé par Yaël Mandelbaum, avec aujourd'hui à la prise de son Yann Fressy, avec Nathalie Rouvillain à la discothèque et Hervé Evano pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel, sans compter l'appui toujours très précieux de la documentation de Radio France. Et dans quelques instants, voici Christine Ockrent pour Affaires étrangères. Je pète toujours cash dans le bon Dieu scope et cause français, c'est un plaisir. C'est ma starlette, ma very good, mon pic galette, mon Hollywood. C'est ma baby au petit fortou, c'est ma lady oh, Antutu. Je suis son jockey, son steeplechase. J'sais la driver à la française dans le sleeping car. After paillasse à son milk bar, je me tape un glace et j'cause français. C'est un plaisir.